Jour J, moins 10. 2 mars 1992. Puisque décidément le travail la boude, Faustine décide de partir en vacances. Malgré le gros trou creusé dans son pécule par son ami Marie, l'achat de sa voiture et de son parc informatique, elle a encore largement de quoi s'offrir un beau voyage. Vivons tant que nous sommes jeunes, nous ferons des économies plus tard. Nul doute qu'à son retour, elle trouvera l'emploi de ses rêves. Après tout, en 1992, le taux de chômage en Suisse stagne encore à 3,2%. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Faustine est néanmoins heureuse d'avoir pu faire le constat in situ de la difficulté de se mettre à son compte. Non, certes, elle ne s'est pas donné la chance de créer sa propre société. Mais lorsqu'elle a compris, grâce à Elisabeth, qu'un indépendant doit tout financer lui-même, assurance accident, chômage, double cotisation de caisse de retraite et tutti quanti, elle n'a pas trouvé étonnant que son ami ait du mal à se sortir un salaire. Au début, Faustine pensait que l'État serait tout content d'encourager les initiatives. Tu parles ! L'aide étatique se limite à une exonération d'impôts partielle sur 2 ans. Alors qu'une entreprise met au moins 5 ans à démarrer. Et aucune autre charge n'est allégée. En clair, Faustine a désormais la preuve par A plus B que se mettre à son compte est trop risqué pour elle. Se faire embaucher demeure encore la meilleure solution. C'est bien entendu exactement ainsi que le patronat entend gérer sa masse de travailleurs, en décourageant au maximum les initiatives indépendantes. Pour l'heure, Faustine envoie des fax à ses meilleurs amis américains afin d'organiser son séjour outre-Atlantique. Elle en fait le compte. 7 familles égale 7 semaines de voyage. La voyageuse compte partir vers la mi-mars et rentrer fin avril. Persuadée qu'elle recevra bientôt des réponses positives, Faustine réserve d'ores et déjà son billet d'avion et loue une voiture à Dulles Airport. Voilà qui est rondement mené. En parallèle, elle réfléchit à ce qu'elle fera ensuite. Une envie la titille. Pourquoi ne pas rejoindre le Comité international de la Croix-Rouge, autrement dit le CICR. Célibataire, sans enfant, elle est libre de s'engager où elle le souhaite, non? Et si ça ne fonctionne pas chez eux, peut-être qu'une autre organisation non gouvernementale serait d'accord pour l'engager, même à bas prix. Après tout, pendant les 2 ans où elle a si bien gagné sa vie, un tiers de son salaire partait aux impôts. Alors autant gagner moins et faire directement profiter une ONG de sa force de travail. Faustine sourit. Lorsqu'elle vivait et travaillait en France, elle partait du principe que si son percepteur voulait voir la couleur de son argent, il n'avait qu'à venir le chercher lui-même. En Suisse, ce n'est pas si facile, hélas. On l'a vu précédemment. À peine le pied est-il posé dans le pays, que les vautours vous tombent dessus. Maxime, hypocritement, a proposé de lui envoyer son argent sur plusieurs années, afin qu'elle ne soit pas obligée d'en reverser 35% au fisc suisse. Il est bien renseigné, le saligo, toujours prêt à lui saper le moral. Faustine a refusé tout net, n'ayant aucune intention de déclarer sa fortune, vu qu'elle sait que son pécule sera dépensé bien avant que les chiffres apparaissent sur un quelconque bilan. Les réponses de ses amis américains n'arrivant pas aussi vite qu'elle l'espérait, Faustine commence à ressentir quelques doutes. Surtout, elle s'ennuie. Alors elle sort, traîne au café roman et dans les autres boîtes à jazz de Lausanne. Un soir, elle rencontre un mystérieux individu, Fabien, qui se prétend locataire d'un château dans la campagne lausannoise. À la fermeture du bistrot, elle le suit chez lui accompagnée de quelques amis. Ils passent la nuit à boire et à parler. À l'aube, leur hôte passe en cuisine. Spaghettis pour tous. Dans la foulée, il fait à Faustine les honneurs de son royaume. Un endroit extraordinaire. Imaginez les cuisines du château de la Belle au bois dormant. Mais quel désordre! Aux petites heures du matin, on s'endort tête bêche sur les immenses canapés disposés entre 2 pianos à queue. Dans la cheminée, flambe un feu d'enfer. Tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau. Pas question de sexe, encore moins d'orgie. D'ailleurs, avec un tel taux d'alcool dans le sang, qui en serait capable? Faustine, lorsqu'elle se réveille, s'attaque au rangement de la cuisine. Elle y passera 3 heures, sans avoir terminé pour autant. Fabien la remercie et lui demande si, par hasard, elle aurait des notions de comptabilité. Il aurait besoin de ses lumières pour résoudre quelques problèmes administratifs. Elle sera payée, bien entendu. Bien sûr, pourquoi pas, tu peux compter sur moi. De retour à la maison, Faustine se rend compte qu'elle a oublié de prendre ses médicaments. Finalement, elle se sent mieux ainsi, sans antidépresseurs ni anxiolytiques. Du coup, elle arrête tout simplement de les prendre, sans sevrage progressif. Grossière erreur. En quelques jours, elle perd la tête, la dépression gronde, les angoisses reviennent. Pour se soulager, elle boit encore plus. Maman, exceptionnellement dans une période sobre, s'inquiète. La dégringolade est sévère. Sans compter que Faustine ne se prive pas de conduire, même dans cet état. Tous les soirs, elle retourne au château retrouver ses nouveaux amis. Le 11 mars, elle passe l'après-midi à tenter d'aider Fabien. Malheureusement, il a accepté de lui offrir à boire avant de commencer le travail. Très vite assommée, Faustine déclare forfait. Elle ne parvient plus à rassembler ses idées. Fabien est déçu. Il boude dans son coin. Faustine finit la bouteille, puis rentre chez elle. Là, elle ressort une bouteille de rhum de derrière les fagots et la vide tranquillement. Vers 22 heures, elle prend sa voiture et retourne au château. Fabien est cuit lui aussi. Ils boivent plusieurs derniers verres ensemble. Au petit matin, Faustine se réveille dans le lit du jeune homme sans savoir comment elle est arrivée là. Réveillée à son tour, Fabien lui explique qu'ils n'ont rien fait, mais que si elle le souhaite, ils peuvent maintenant. « Non merci, sans façon !» s'exclame Faustine, soulagée qu'il ne se soit rien passé. C'est la première fois de sa carrière d'alcoolique qu'elle a perdu la notion de ses faits et gestes. Elle s'en trouve bouleversée et n'a qu'une hâte, rentrer à la maison. Cette fois, elle a compris. Il faut absolument qu'elle arrête de boire sous peine de devenir folle. Reprenant sa voiture, elle rejoint le boulevard de Grancy. À peine a-t-elle franchi la porte, maman se précipite sur le téléphone et appelle un taxi. « Bonjour, ma fille. Cette fois, ça suffit. J'appelle un taxi, j'ai réservé ta place à la métairie, ta valise est prête, tu rentres aujourd'hui. »« Non !»« Si ! Tu n'as tout simplement plus le choix. C'est ça où j'appelle la police. Ils te feront un alcotest et t'arrêteront pour conduite en état d'ivresse. Je leur dirai que ce n'est pas la première fois. »« C'est dégueulasse. T'as pas le droit de me faire ça. » « Oh, que si j'en ai le droit. Je ne supporte plus de te voir te détruire. Mais je dois partir en Amérique. Mes amis m'attendent. J'ai tout réservé. Je vais perdre mes arts. Tu iras quand tu seras guéri. Je vais appeler l'agence pour mettre tout ça en attente. Ils comprendront très bien quand je leur expliquerai que c'est pour raison de santé. Mais j'en aurai plus les moyens après. » « Si, bien sûr. Tu as toute la vie devant toi. Allez, prends ta valise et descends. Le taxi t'attend. » Elle suit sa fille et s'adressant au chauffeur, « Bonjour, monsieur, je vous la confie. Surtout, ne vous arrêtez pas avant d'avoir atteint votre destination. Merci. » À bout d'arguments, Faustine monte dans la voiture. Le chauffeur ne peut retenir une grimace de dégoût quand elle lui dit bonjour, tant son haleine est forte. En cours de route, elle tente quand même sa chance. « Dites, monsieur, vous êtes sûr qu'on peut pas s'arrêter un moment? Je meurs de soif. » « Non, madame, vous savez bien que je ne peux pas, encore moins sur l'autoroute, voyant. D'ailleurs, nous arrivons dans quelques minutes. » Le taxi s'engage dans l'allée, s'arrête devant l'entrée principale. Faustine est éblouie. En ce début de printemps, l'endroit est tout simplement magnifique. Sans être carrément un château, cette immense villa s'insère tel un bijou dans un parc de 4 hectares planté d'arbres centenaires. Faustine ne l'avait pas suffisamment appréciée lorsqu'elle avait accompagné Marie. La clinique propose un environnement calme et chaleureux, propice à la tranquillité et au bien-être des patients. Ainsi le détaille la brochure que Faustine lit à la réception, en attendant qu'on s'occupe d'elle. Grâce à Marie, elle sait déjà ce qui l'attend. Tout d'abord, étant donné qu'elle n'a pas d'assurance maladie, elle doit verser une caution importante. Le tarif quotidien est de 1000 francs, 600 francs pour les soins et 400 pour la partie hôtelière. Renseignement pris, sans assurance, tout sera pour sa pomme. Évidemment, maman n'a pas oublié de joindre la carte de crédit. Cette formalité accomplie, Faustine doit abandonner au bureau tous ses précieux documents d'identité. et lui seront rendues à la sortie. On l'avise également qu'elle n'aura pas droit à des visites la première semaine, mais ça, elle le savait aussi. Elle sera logée dans une chambre à deux lits au deuxième étage. Ses journées se composeront de 3 séances de thérapie de groupe par jour, une séance de relaxation, une de sophrologie, de la gymnastique, etc. Les sorties accompagnées ne seront autorisées qu'après la première semaine. Tous les repas se prennent au restaurant. Pour commencer, vous êtes attendu par le médecin pour une évaluation de votre état général. Ensuite, vous verrez notre psychiatre pour une évaluation psychique, puis vous participerez au premier groupe de parole. Faustine s'empresse de rejoindre sa chambre, déballe ses affaires et se change avant de foncer voir le toubib. Celui-ci est très chaleureux. Poids, tension, anamnèse, il est frappé de constater que la patiente n'est pas encore en trop mauvais état par rapport aux doses qu'elle lui a avouées avoir ingurgitées. Néanmoins, il est grand temps de vous soigner. Vous avez pris la bonne décision. Je vais vous donner ce qu'il faut pour éviter les tremblements, sueur, agitation, insomnie, crise d'épilepsie ou délirium tremens. À prendre ce soir et demain matin. Ici, nous ne poussons pas à la consommation de médicaments. Mens sana in corpore sano est notre devise. Si, au bout de 2 jours, vous n'arrivez pas à dormir, nous aviserons. En attendant, pas de café ni de thé, ni quelque excitant que ce soit. Vous êtes jeune et robuste, vous devriez vous en sortir haut la main. Bonne chance et bon courage, madame.